France Culture, Christine Bernard. Une histoire particulière. Aigues mortes, c'est là que Marie Chartrand et François Teste nous ont emmenés hier pour nous raconter la montée de la colère dans le premier épisode. La colère, on la sent monter en soi comme une lave, un bouillonnement de volcan, la violence d'un ouragan. Elle monte et nous étouffe, on ne peut s'en saisir, c'est elle qui nous saisit. C'était en 1893, dans les marais salants qui entourent l'ancien port royal d'Aigues-Mortes. Une rixe explose entre ouvriers français et italiens qui travaillent comme saisonniers pour la compagnie des Salins du Midi. La colère est montée, embrasant la ville entière. C'est une véritable battue à mort des Italiens qui s'est produite et fera 8 victimes et plusieurs dizaines de blessés. Écoutons tout de suite la suite de l'histoire. La colère a rendu les sels bien amers. Si on devait résumer de manière un peu succincte ces journées d'août 1893, ce fait divers, qu'est-ce qu'on dirait, Luc Martin ? Je dirais 2 jours de folie meurtrière sans que personne ou très peu de gens ne s'opposent à une furie populaire, à une violence qui soudainement a éclaté envers une minorité de gens. Voilà, ce sont vraiment 2 journées d'une violence inouïe. Il y aura des morts d'hommes, des massacres. On peut parler de lynchage, des gens qui ont été battus, roués de coups, matraqués, d'autres ont reçu des coups de bouteille, d'autres ont été tués à coups de fusil. Ce sont des gens qui n'étaient pas armés et malgré ce, la police de l'époque, qui était quand même assez modeste en nombre, n'a pas pu intervenir et sauver plus d'une dizaine d'Italiens qui malheureusement vont être retrouvés morts dans les rues d'Aigues-Mortes. Le sel de la colère. Marie Chartrand, François Teste. Aujourd'hui, sels amers entre mémoire et oubli. À l'origine de cette chasse à l'homme, il y a le sel. Vous avez déjà vu des camels, ces montagnes blanches qui sont les seuls massifs de la Camargue autour d'Aigues-Mortes. Perchés sur l'une de ces pyramides, si on regarde loin, les marais salants s'étendent longuement jusqu'à la mer, entre les surfaces des cristallisoires et l'eau où le ciel se reflète. La récolte se fait jusqu'à aujourd'hui pendant les mois d'été. Alban Moret. Alors le sel que vous voyez, effectivement, là on aperçoit des centaines de milliers de tonnes. Ce sont nos stocks post-récolte, effectivement, que nous stockons pour après toute l'année expédier ce sel à différents endroits. Donc en fait, ce sel, il vient de la mer Méditerranée, effectivement, puisque le salin d'Aigues-Mortes, c'est un salin d'eau de mer. Et on prend de l'eau de mer toute la saison estivale, on la fait évaporer sur des grands espaces, à peu près 8000 hectares. On compare souvent ces 8000 hectares à la surface de Paris intramuros. Et pour la faire évaporer, par rapport à des énergies renouvelables, qui sont le vent et le soleil, et pour la faire concentrer, puisque l'eau de mer contient 29 grammes de sel au litre, il faut l'amener en concentration à 260 grammes de sel au litre pour qu'on ait une eau saturée et qu'elle nous donne donc ce fameux produit magique qui d'un coup apparaît au fond des cristallisoires. Voilà. Donc la goutte d'eau aura parcouru 40 km avant d'arriver sur le cristallisoire et avant d'être récoltée. Comment est-il récolté, le sel ? Alors, il y a eu une évolution assez phénoménale, on va dire, par rapport à la technicité, par rapport aux machines, effectivement. On a des photos, on a des images de récoltes réalisées à la pelle à main, où il fallait énormément de personnel, c'est plutôt dans les années 1800. Il y a beaucoup d'histoires autour de ces années-là. Et depuis, j'allais dire, 1950, tout s'est modernisé. Aujourd'hui, nous avons nos propres machines, appelées récolteuses de sel, mais qui ne s'achètent pas spécialement dans le commerce, puisque c'est un métier très, très atypique, on va dire. Donc, ce sont des machines qui ont été conçues par la société elle-même. Jean-Louis Parodi, vous êtes salinier, fils de salinier, petit-fils de salinier et peut-être même arrière-petit-fils de salinier à Aigues-Mortes. Qu'est-ce que c'est que ce travail du sel et comment surtout travaillait votre grand-père ? Disons que le travail du sel a beaucoup évolué par rapport à mon grand-père, comme on venait de dire. Mon grand-père faisait ce qu'on appelait la récolte du sel à la pelle. C'était un travail extrêmement difficile. On disait que c'était un travail un petit peu de forçat à l'époque. Et qu'est-ce qu'il vous racontait, votre grand-père ? Ben, mon grand-père m'a raconté que c'était très difficile parce qu'il faisait très chaud. Ils avaient des petits wagonnets, qu'il fallait qu'ils remplissent. Et disons, il fallait que la pelle soit mise dans le feutre. C'est-à-dire qu'entre l'argile et la couche de sel, il y avait une petite couche de 1 cm rosée que l'on appelait le feutre, qui permettait le levage à la pelle. Donc, imaginez-vous, par la grosse chaleur du mois de juillet ou du mois d'août, la réverbération du soleil sur les personnes, il fallait être très attentif à pouvoir prendre ce feutre et pouvoir charger les wagonnets. Ensuite, bon, oui, les mains, pour pouvoir arriver à ce que, pour tenir le manche, pour pouvoir arriver à être régulier dans le ramassage, il fallait avoir une poids assez dure, il fallait pouvoir résister aux manches de pelle. Bon, pour cela, il y avait des petites combines, soit par l'urine, soit par qu'on arrivait à des hommes. Alors, ça, c'était des combines qu'avaient les ouvriers aigomortés. L'urine, parce que comme ils buvaient beaucoup, ils urinaient beaucoup. Ils transpiraient beaucoup. Donc, ils faisaient pipi sur leurs mains, et comme ça, ça les rendait beaucoup plus. La peau était beaucoup plus tendue, ça les rendait beaucoup plus résistants aux manches de pelle. Voilà ce que je voulais vous dire. Comme c'était un travail de forçat, il y avait un mas où, pendant les pauses, les gens allaient se rafraîchir, allaient boire de l'eau, se laver le visage. Bien souvent, ils avaient un foulard qui trempait dans de l'eau froide pour bien se. Et il y avait marqué sur une planche Akeu qui peut pas tenir que c'est nan. C'est-à-dire celui qui ne veut pas tenir à ce travail, qu'il s'en aille. Voilà, ce n'était pas très correct, mais en fait, c'était pour expliquer la dureté du travail. Est-ce qu'il parlait justement de cette lumière, de la brûlure du sel? Ah oui, de la brûlure du sel, surtout sur les épaules, sur les bras, et surtout sur les pieds, et dans les mains. C'est-à-dire que mon grand-père, jusqu'à son décès, Pocher, a eu toujours mal aux pieds parce qu'il avait des brûlures sous les pieds du sel. Il a fait quand même près de 37 récoltes à la pelle. Et c'était quand même, comme je vous disais, un travail de bagnard. Qui était bien payé, c'est vrai, à l'époque, mais c'était un travail de bagnard. Un travail de bagnard, c'est bien de là que tout est parti. Aujourd'hui, la récolte se fait avec une trentaine de saliniers seulement. Mais imaginons un instant, debout sur notre camelle, ce même panorama à la belle époque. Les marais salants sont remplis d'ouvriers saisonniers. Les 16 et 17 août 1893, le coup de feu du sel. Dans les remparts de Saint-Louis, des milliers d'ouvriers. Des aigues-mortais, mais aussi des piémontais, des ardéchois descendus des montagnes sévenoles, des trimards saisonniers tentant d'échapper par le travail au délit de vagabondage. Toute cette main-d'œuvre n'a pas réussi à se faire embaucher. Dans les marais, les équipes sont rémunérées collectivement à la tâche. Les Italiens, aguerris. Les trimards, bien trop faibles pour ce travail. Une rixe se produit entre eux, et la ville tout entière se soulève. Aigues-mortais, trimards, ardéchois se lancent dans une chasse à l'italien. Le 17 août, on compte à Aigues-Mortes une dizaine de morts italiens et des dizaines de blessés. Mais l'affaire n'est pas close. Ce scandale judiciaire commence le 17 août 1893 à 3h de l'après-midi. Le maire, Marius Terrasse, il est terrassé. Complètement traumatisé par toute cette violence, il craint pour sa propre vie. Les gendarmes sont débordés. Et pas le moindre soldat à l'horizon. Alors, pour essayer de calmer les émeutiers, il fait coller deux affiches sur les murs de la ville. Le maire de la ville d'Aigues-Mortes porte à la connaissance de ses administrés que tout travail est retiré par la compagnie au sujet de nationalité italienne et que dès demain, les divers chantiers s'ouvriront pour les ouvriers qui se présenteront. Il invite la population au calme et au maintien de l'ordre. Tout trouble devant cesser depuis la décision de la compagnie, toute satisfaction ayant été donnée aux ouvriers français. Recueillons-nous pour panser nos blessures et en nous rendant paisiblement au travail, prouvons combien notre but a été atteint et nos revendications satisfaites. Vive la France, vive Aigues-Mortes. Vous avez vu? Il a tout simplifié d'un coup d'un seul. Il n'y a plus d'ardéchois, plus d'aigues-mortés, plus de trimards et plus de piémontais dans sa version des faits. il ne reste plus que deux personnages, le français et l'italien. Le correspondant local du Petit Méridional, il a immédiatement compris qu'il tenait là le scoop de sa vie. Dans son article du 18 août, il reproduit in extenso les propos du maire et il en rajoute une petite couche en affirmant que trois Français ont été tués lors de la première bagarre, les Italiens sont responsables de la rixe et les Français n'ont fait que se défendre. Dès le lendemain, toute la presse nationale reprend à son compte sa version des événements en dénonçant sur tous les tons l'odieuse agression de ces immigrés italiens qui décidément ne s'intégreront jamais dans la société française. Au début, c'est une affaire locale, mais le journal local, régional, va flairer, j'allais dire, la bonne affaire, puisqu'on est au début aussi d'un processus tout à fait fondamental, Gérard Noiriel, pour notre histoire contemporaine, c'est la naissance de la presse de masse. Hein. Il y a les lois de Jules Ferry sur l'école, donc il y a la liberté, la loi de 1881 sur la liberté de la presse. Donc il y a une augmentation très importante du marché de la presse. Et l'articulation entre, moi je l'appelle la fédiversion de la politique, c'est-à-dire l'articulation entre la rubrique des faits divers et la rubrique politique. Et ça devient donc une affaire nationale. Mais affaire nationale en France, mais aussi affaire nationale en Italie. Hein, parce que dans cette affaire, il y a un autre protagoniste qui va être considéré comme un assassin du côté français, comme une victime du côté italien, c'est Giovanni Giordano, qui avait été embauché par la CSM, la Compagnie des Salins du Midi, pour travailler dans les Salins, mais qui n'était pas vraiment un saisonnier comme les autres. C'est un gars un profil un peu indépendant. Et il se trouve qu'il avait été expulsé par la police 2 ans plus tôt pour avoir volé. Voilà. Donc il est interdit de séjour, on dirait aujourd'hui. Fiché comme tel, j'ai retrouvé son dossier dans Archives nationales, et il a été un petit peu le porte-parole des Italiens lors de la première rixe, et comme la police découvre dans l'intervalle que c'est un interdit de séjour, on va le mettre en prison, en considérant que c'est finalement le coupable idéal par le fait. Donc il y a une sorte d'affrontement entre la vision française et la vision italienne autour de ce gars-là, et les Italiens, eux, fabriquent une version comme quoi, eh bien, la France a laissé massacrer ces Italiens, que l'armée a refusé d'intervenir, que le maire a été le complice des émeutiers, et le problème pour la France, c'est que l'opinion internationale, on pourrait dire, prend parti pour l'Italie. Dès que l'on va apprendre que les événements d'Aigues-Mortes ont lieu, on va apprendre vraiment ce qui s'est passé, il va y avoir une série de réactions dans toutes les villes italiennes, à Naples, à Rome, dans toutes les villes, tous les intérêts français vont être saccagés, détruits. À Rome, le palais Farnèse, qui était le siège de l'ambassade de France, va être pris d'assaut par les émeutiers. Donc la France se retrouve dans une position difficile, d'autant plus que l'Italie est en train, s'est alliée à l'Allemagne. C'est la triplice. Et l'angoisse, on le voit dans les archives officielles, c'est que l'Italie déclare la guerre à la France sur la base de cette affaire-là, étant donné que selon les nationalistes qui ont repris le pouvoir en Italie quelques mois après. Les Italiens sont désireux très vite de calmer le jeu aussi, le pouvoir italien. Hein. Donc on voit des négociations un petit peu secrètes, comme ça, entre les deux parties, pour trouver un compromis où chacun va sauver la face. C'est ça, en gros, l'obsession. Hein. L'obsession, mais évidemment, on ne peut pas quand même faire comme si la justice n'existait pas. Donc, j'ai retrouvé le télégramme envoyé par le garde des Sceaux au procureur de Nîmes, etc. Il y a une pression qui est mise par le gouvernement français de façon à ce que le procès se termine par un jugement équilibré. En fait, on voit comment la machine judiciaire va fabriquer l'innocence des assassins. La cour d'assises se réunit à Angoulême, le 27 décembre 1893. Alors très vite, il apparaît que aucune charge sérieuse ne peut être retenue contre Giovanni Giordano. Alors le président de la cour d'assises change son fusil d'épaule. Puisque l'étranger n'est pas coupable, mais c'est forcément la faute du vagabond. Eh bien oui, le bouc émissaire idéal désormais, c'est Philippe Buffard, alias le Croumire. Le Figaro le décrit comme un sinistre débraillé, à peine vêtu d'une chemise indéfinissable et d'un pantalon qui tombe en loques. Pour le petit Parisien, il a les yeux injectés de sang et profondément enfoncés dans l'orbite. Son nez crochu ressemble à un bec d'oiseau. Il a le front large et bombé. Vous l'imaginez, le Croumire, là, tout seul, face à ses juges? Tout le monde qui a les yeux braqués sur lui? Il fait plus son intéressant, là. Il a honte. Il tombe en sanglots devant la cour. Finalement, le jury populaire va acquitter tout le monde dans cette affaire, même le Croumire. Oh, je pense pas qu'ils aient eu pitié. Je pense plutôt qu'ils ont eu peur. Le peuple français s'est gracié lui-même. C'est pas beau, ça ? C'est un scandale judiciaire. C'est la justice a parfois des ressorts qui sont parfois étranges, qu'on a des difficultés à comprendre. Alors, est-ce qu'il y a eu des accords entre l'Italie et la France ? Je ne sais pas, je ne peux pas le prouver. Ce qui est certain, c'est que des fortes sommes ont été allouées aux victimes italiennes. La compagnie, elle, se dédouanera complètement en disant « Mais moi, on m'a demandé de retirer tout travail, je l'ai fait ». Et s'il y a des bagarres, c'est du ressort de la police de s'en mêler. C'était pas la compagnie des Saint-Lumini à faire leur propre police. C'était facile de parler comme ça à l'époque, mais en fait, ils s'en sont tirés comme ça. Eux, ils ont dit, c'est pas nous, c'est les autres. Jérémy Béchon, vous êtes metteur en scène. Vous faites partie du collectif Manifeste Rien et vous avez adapté avec Gérard Noiriel le texte de son livre Le massacre des Italiens. De quelle manière ça résonne aujourd'hui ? Est-ce que vous avez en mémoire certaines réactions d'un public lycéen, par exemple, après avoir vu Le massacre des Italiens sur scène ? Lycéen et tout public, ce qui revient dans ce qui les choque le plus, c'est l'émotion. C'est-à-dire qu'ils sont davantage... en empathie avec ce personnage qui a été choisi comme fil conducteur, qui est le Croumire, qui est celui qui, lors du procès, toute la vindicte des élites va s'abattre sur cet homme-là. Et c'est un homme qui n'a pas les armes du langage. Donc, pendant le procès de Aigues-Mortes, il va se retrouver complètement démuni, parce qu'il a un langage qui n'est pas celui du droit, qui n'est pas celui de l'élite de la Troisième République, et il va s'effondrer et il va pleurer. Alors que c'est un homme, qui a tous les atouts de la virilité, normalement, ce n'est pas un homme qui pleure. Très souvent, le public est très touché par ce personnage-là. Et c'est celui qui a frappé. C'est-à-dire qu'ils connaissent à l'avance qu'on est sur un pogrom. Par contre, de se retrouver en empathie avec quelqu'un qui a massacré un Italien à même le sol, ça, il ne s'attendait pas du tout à le vivre. C'est tout un travail qui a été choisi par Gérard Noiriel et par nous de mettre en exergue ce qu'en sociologie, on appelle la violence symbolique. C'est-à-dire que la violence du sang, on la voit. La violence physique est facile à déceler. Par contre, la violence symbolique, c'est celle qui est invisible. Et ce pauvre Croumire, à l'époque, personne n'a pleuré sur lui. Par contre, quand on replace la violence de certaines élites journalistes qui s'en prennent à quelqu'un des classes populaires, là, voilà, ça c'est quelque chose qui touche beaucoup les gens parce qu'ils ont accès à cette violence symbolique-là. Ils voient l'envers du décor auquel ils n'ont pas accès. Et du coup, ça remet en cause, je pense, leur manière d'aborder, soit en tant que stigmatisé, soit en tant que stigmatisant, c'est-à-dire soit en tant que donneur de leçons, en disant oui, mais ces jeunes-là, ils veulent pas s'intégrer, tout ça. Je pense que ça les remet un peu à leur place, d'arrêter de colporter un discours qu'ils ont même pas d'ailleurs énoncé, hein, parce qu'ils reprennent certains dits intellectuels. Et à l'inverse, les jeunes de ces quartiers populaires qui pensent être les uniques victimes de telle violence s'aperçoivent que les immigrés des classes populaires avant ont dû aussi subir ce processus-là, malheureusement d'ailleurs. Voilà. Le gouvernement n'avait qu'une idée en tête, en finir avec cette histoire. Les élites, vous comprenez, ça les avait irrités, cette affaire d'Aiguemorte. Alors pour ne plus être irrités, ils ont décidé de nettoyer les marais. Ils ont effacé les taches de sang. Ils ont réparé les bâtiments saccagés par les trimards. Et les actionnaires de la CSM, ils avaient été sacrément irrités eux aussi cette année-là. C'est que la récolte du sel avait été retardée. Et c'est la concurrence qui en avait profité. Alors eux, ils ont décidé de mettre la main à la poche pour acheter des machines. Plus besoin d'Italiens, plus besoin de croumiers, plus besoin d'ouvriers, plus besoin de rien du tout. À partir de maintenant, ce sont des tapis roulants qui montent le sel en haut des camels, et cela, avant qu'ils se mettent sur la gueule, je vais te dire. Au terme du procès d'Angoulême, Gérard Noiriel, tout le monde est innocent, la CSM est innocente, l'armée n'a pas été inquiétée, tous ceux qui ont été incriminés ont finalement été innocentés, acquittés. Il n'y a plus de problème, en quelque sorte, entre ouvriers pendant la récolte du sel, puisque le travail est désormais mécanisé, et cette histoire tombe dans l'oubli. Oui, quand on regarde après dans les livres d'histoire, c'est une affaire qui n'a pas eu de postérité. Personne n'avait trop intérêt à parler de cette affaire. La mémoire officielle française, bien sûr. Du côté italien non plus, parce que c'était pas très glorieux d'avoir finalement cédé à un jugement aussi inique. Donc les seuls qui ont gardé ça en tête, c'est l'extrême droite italienne. Hein. Et paraît-il que quand Mussolini... Passé son alliance avec Hitler et qu'il voulait envahir la Provence, le sud de la France, il a dit « Si j'occupe Aiguemorte, la première chose que je ferai, c'est de raser la ville. » Parce qu'il y avait cette affaire qui était restée dans l'esprit de l'extrême droite. Mais officiellement, non. Mais bon, l'affaire n'est pas finie, parce qu'après, il y aura la Première Guerre mondiale, puis il y aura une nouvelle immigration italienne, après, dans les années 20. Mais quand j'avais présenté mon livre à Montpellier et puis aussi à Aiguemorte, j'avais eu comme ça des débats avec des gens qui étaient d'origine italienne, dont les parents ou les grands-parents étaient arrivés dans le cadre de l'immigration antifasciste des années 20 et qui ne se souvenaient pas d'Aiguemorte. La mémoire ne s'est même pas transmise à l'intérieur de la communauté italienne. Parce que c'est une autre immigration qui ne venait pas des mêmes lieux, qui n'avait pas la même culture. Donc ça a été quelque chose qui ne s'est pas transmis, sauf dans les villages peut-être piémontais, d'où étaient originaires les ouvriers qui ont été tués. Là, nous sommes dans la partie ancienne du cimetière d'Aiguemorte. Alors, bien sûr, maintenant, toutes les tombes sont occupées. Il reste quand même un emplacement où on présume qu'ont été enterrés les Italiens, hein, puisqu'ils ont été enterrés à Aiguemorte. Alors, je vais vous y conduire. Oui, ce sont vraiment les caveaux des vieilles familles aiguemortaises. Voilà. Ce sont vraiment toutes les familles, d'ailleurs, tout le monde est là. Hein. Voilà. Cette zone, ici, est une zone dite pour des tombes, vous voyez, sans caveaux. Alors, il est possible, mais c'est pas prouvé. Hein. On n'a pas de documents tangibles capables de nous dire avec certitude ils sont là. Mais ils ont été enterrés de nuit, ces Italiens, pour pas qu'il y ait des émeutes, hein, dans toute discrétion. Et ils ont donc pu être enterrés dans cette zone ici, qu'on présume être la dernière sépulture de ces Italiens, puisque les corps n'ont pas été rapatriés, hein, bien sûr. Moi, ce qui m'intéressait aussi dans cette histoire, c'est de montrer la diversité des responsabilités. Comment chacun à son niveau joue sa partition en fonction de ses propres intérêts, et qu'au final, dans l'analyse qui a été faite ou le jugement, on ne voit que le bras qui frappe par le fait. On ne voit pas tout le reste. Ceux qui ont armé le bras, y compris dans la tête, avec cette xénophobie anti-italienne. Bon. Donc c'est l'ensemble de ces éléments qui, je trouve, est vraiment intéressant dans cette affaire-là. La responsabilité, je dirais, la plus large, c'est effectivement le virage national, voire nationaliste, de la Troisième République. C'est-à-dire, tout début de la Troisième République, on a vraiment un régime libéral. Et ce libéralisme, il a des conséquences sur le plan économique extrêmement dramatiques que les républicains n'avaient pas prévues, puisque ces républicains, c'est des membres de la bourgeoisie intellectuelle, enfin qui étaient souvent positivistes, mais héritiers de la philosophie des Lumières, enfin bon. Et puis, voilà, ils se rendent compte que le libéralisme, ça amène la concentration des entreprises, ça amène le chômage, ça amène la violence populaire, etc. Et la solution qu'ils adoptent à ce moment-là, c'est la solution de protection nationale. Et sur cette base-là, il y a une loi qui a été adoptée peu de temps avant, que c'est la loi début août, vous voyez, août 93, hein, de protection du travail national. Donc du coup, les trimards qui sont français ont un argument. Et pourquoi pas nous? Pourquoi nous, on ne nous embauche pas? Et donc il y a un sentiment d'injustice qui est extrêmement fort, qui explique en partie cette violence. Bien sûr, les élites républicaines n'ont jamais dit qu'il fallait aller taper sur les Italiens, mais dans la façon dont les gens des classes populaires interprètent dans leur propre logique, on voit très bien comment ça joue. Et d'ailleurs, dans les slogans, quand il s'oppose aux gendarmes, ce qui les révolte le plus, c'est que les gendarmes puissent protéger les Italiens. Bon, moi, j'ai écrit un livre qui s'appelle « Racisme, la responsabilité des élites », sur l'époque actuelle, où j'analyse ces questions-là. C'est-à-dire, c'est la construction du langage, si vous voulez. Le langage que s'approprient les gens des classes populaires, c'est pas eux qui l'inventent. Ils utilisent les références qu'ils ont. Voilà. Ils ont besoin de nommer leur souffrance, ils ont besoin de nommer leur opposition à une société qui leur fait pas de place, mais ils n'ont pas les moyens de fabriquer leur langage. Donc, si on leur met dans la tête des idées où les méchants, les ennemis, etc., c'est les étrangers, ou les juifs, ou les noirs, ou les immigrés algériens, ou les musulmans, etc., c'est ce type de matériel que les gens vont mobiliser, vous comprenez? Donc, il y a bien une responsabilité de ceux qui construisent des discours et des images publiques. Voilà, pour moi, Egmont, c'est une illustration de cela. C'était Le sel de la colère, sels amers entre mémoire et oubli. Avec Gérard Noiriel, Luc Martin, Alban Mouret, Jean-Louis Parodi et Virginie Aymon, qui donnent voix sur scène depuis 2010 au massacre des Italiens. Adapté du livre éponyme par l'historien Gérard Noiriel et le metteur en scène Jérémy Béchon, le spectacle dont sont issues les lectures est une coproduction du collectif Manifeste Rien et de l'association Daja. Merci au Théâtre de l'Œuvre à Marseille et au Salon d'Aigues Mortes. Coordination Christine Bernard, un documentaire de Marie Chartron et François Test. Une histoire particulière, c'est fini. Demain lundi et toute la semaine, retrouvez dès 13h30 Sonia Kronlund dans Les Pieds sur Terre pour d'autres histoires vraies. Et moi, je vous retrouve samedi prochain. Dans le dictionnaire Larousse, le mot toxique indique qu'il agit comme un poison. Mais c'est une autre histoire.